بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. On commence inshallah ta'ala, si je ne me trompe pas, le 15e cours dans l'explication de Usul al-Sunnah, les fondements de la Sunna de l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Et donc l'imam Ahmed rahimahullah qui dit: وَلَا نَشْهَدُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِعَمَلٍ يَعْمَلُهُ بِجَنَّةٍ وَلَا نَارٍ نَرْجُو لِلصَّالِحِ وَنَخَافُ عَلَيْهِ وَنَخَافُ عَلَى الْمُسِيءِ الْمُذْنِبِ وَنَرْجُو لَهُ رَحْمَةَ اللَّهِ. Il dit, rahimahullah, nous n'attestons pour aucune personne qui fasse partie des gens de la Qibla, ça veut dire qui fasse partie des musulmans, d'une œuvre qu'il accomplit. Nous n'attestons nullement qu'il aille au paradis ou en enfer. C'est-à-dire que la personne, tu vois que c'est une personne qui fait du bien, tu n'as pas le droit d'attester que cette personne-là va au paradis. Tu vois une personne qui fait du mal. Il est musulman, mais il fait du mal. Il est sombré dans l'alcool ou autre. Tu n'as pas le droit d'attester que celui-ci va en enfer. Il dit, l'imam Ahmed rahimahullah, nous espérons concernant le pieux, c'est-à-dire on espère qu'il aille au paradis, et nous avons peur aussi le concernant. Et nous avons peur concernant celui qui agit mal, le pécheur. Nous avons peur le concernant, mais aussi nous espérons pour lui la miséricorde d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et donc il est important de comprendre, barakallahu fikum, que celui qui est musulman, ici on parle de celui donc qui est musulman, qui tombe dans des grands péchés, la fornication, l'alcool, la drogue, le mensonge, etc., etc. Et donc celui qui est musulman et qui est tombé dans des grands péchés, ces grands péchés-là, ils ne lui font pas sortir de l'islam. Et donc, sa situation, son cas, revient à Allah, tabaraka wa ta'ala. Si Allah veut, il lui pardonne pour ses grands péchés. Et si Allah veut, il le châtie. Mais cela revient à Allah, tabaraka wa ta'ala. Et d'ailleurs, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a été rapporté dans Sahih al-Bukhari, qu'il a dit, « Ma adri wallahi » Wa ana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ma yuf'alu bi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, je ne sais pas, alors que je suis le messager d'Allah, je ne sais pas ce qu'il adviendra de moi. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et donc nous n'avons pas le droit d'attester pour qui que ce soit qu'il fait partie des gens du paradis, sauf pour ceux dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attesté qu'ils vont au paradis. Les 10 promis au paradis, ou alors il y a aussi Bilal, etc., etc., ou Kesha, et d'autres compagnons, donc, dont il a été cité textuellement qu'ils vont au paradis. Et aussi donc, les compagnons de manière générale, Allah tabaraka wa ta'ala, il a cité, wa kullan wa'ada Allahu al-husna, à tous nous avons promis al-husna, c'est le paradis. Tayyib, concernant les autres, peu importe la piété que tu vois de la personne, tu n'as pas le droit de dire qu'il va au paradis. Tu ne sais pas ce qu'il y a auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ensuite, il dit l'imam Ahmed rahimahullah, وَمَنْ لَقِيَ اللَّهَ بِذَنْبٍ يُحِبُّ لَهُ أَوْ يَجِبُ لَهُ بِهِ النَّارِ تَائِبًا غَيْرَ مُسِرٍ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ وَيَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُ عَنِ السَّيِّئَاتِ. Celui qui rencontre Allah tabaraka wa ta'ala avec des péchés qui impliquent obligatoirement donc le feu, mais que celui-ci se soit repenti et qu'il ne soit pas resté, il n'est pas persisté dans l'accomplissement de ce péché, alors Allah tabaraka wa ta'ala lui pardonne, accepte son repentir. Allah accepte le repentir de ses serviteurs et il pardonne leurs péchés. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wallah, l'Esca, c'est un grand bienfait, la croyance de Ahlus Sunnati wal Jama'a. Le juste milieu. Sans exagération ni laxisme. Ils ne sont pas dans le laxisme. Ceux qui vont dire aux gens, mais de toute façon, Allah Ghafur Rahim, Allah Ghafur Rahim, Allah Ghafur Rahim. Non. Ils vont dire aux gens, délaissez les péchés. Car si tu accomplis des péchés, il faut que tu saches que si tu fais partie des gens, des adeptes des grands péchés, alors si Allah veut, il te pardonne. Mais s'il veut, il ne te pardonne pas. Fais très attention. Ne joue pas avec le feu. Et donc, ces gens-là, le sunna, ils sont sur la voie du juste milieu, sans exagération ni laxisme. Ils ne sont pas non plus comme les exagérateurs. Dès qu'ils voient une personne qui accomplit des grands péchés, ah, c'est pas un musulman. Pourquoi c'est pas un musulman? Parce qu'il a forniqué. Pourquoi c'est pas un musulman? Parce qu'il a menti. Il va en enfer, etc., etc., etc. Et je vous ai déjà raconté ici, subhanallah, une histoire qui m'est arrivée. J'étais pas encore musulman. J'étais en France. Il y a un jeune qui était dans ma classe. Et il m'a dit, de toute façon, toi, tu iras en enfer. J'ai dit, mais pourquoi j'irai en enfer? Il m'a dit, parce que tu es un kafir. Parce que tu es un incroyant. Et donc, même le kafir, tu n'as pas le droit de lui dire, tu iras en enfer. Tu ne sais pas s'il va mourir musulman ou non musulman. Même le kafir, tu n'as pas le droit de lui dire. Tu peux lui dire, si tu meurs dans cette situation dans laquelle tu es, alors là oui, tu n'auras d'autre destination que l'enfer, car tu as rejeté l'islam. Mais par contre, tu lui dis pas, non, dans tous les cas, toi, tu vas en enfer. Là, il y a djouz, ça c'est interdit. On ne peut attester pour qui que ce soit qu'il va au paradis ou en enfer. Pour ta propre personne, tu n'as pas le droit d'attester. Il continue l'imam Ahmed rahimahullah, wa man laqiyahu wa qad uqima alayhi hadd dhalika adh-dhanb fi ad-dunya fa huwa kaffaratuhu kama jaa fi al-khabar 'an Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui rencontre Allah et donc qui accomplit les grands péchés, il rencontre Allah tabaraka wa ta'ala, mais ici-bas, il a reçu la sanction liée à son grand péché. Alors ceci est pour lui une expiation, comme cela a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَمَنْ لَقِيَهُ مُسِرًّا غَيْرَ تَائِبٍ مِنَ الذُّنُوبِ الَّتِي قَدْ اسْتَوْجَبَ بِهَا الْعُقُوبَةِ فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ. Par contre, celui qui rencontre Allah tabaraka wa ta'ala en persistant dans les grands péchés, alors celui-ci, donc dans les grands péchés, ce qui implique une sanction, alors son cas revient à Allah. S'il veut, il le châtie. Et s'il veut, il lui accorde le pardon. وَمَنْ لَقِيَهُ مِنْ كَافِرٍ عَذَّبَهُ وَلَمْ يَغْفِرْ لَهُ. Et il dit, celui qui rencontre Allah, tabaraka wa ta'ala, en étant incroyant, alors celui-ci, Allah, tabaraka wa ta'ala, il le châtie. Et ne lui pardonne pas. Naam, Allah tabaraka wa ta'ala ne pardonne pas aux incroyants. Ces gens-là, s'ils meurent dans l'incroyance, leur refuge sera l'enfer. Éternellement, ils n'en sortiront jamais. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit clairement dans son livre, innal ibrara la fi na'im. Certes, les pieux sont dans des délices. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ. Et certes, les criminels sont dans une fournaise. يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ. Dans laquelle ils brûleront au jour de la rétribution. وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ. Et ils ne s'en éloigneront pas. Ils ne vont pas s'éloigner du feu. Le châtiment ne va pas partir. Ils resteront éternellement dans ce châtiment. Et ici, il y a encore une réplique à cette ambiguïté qui malheureusement est propagée ici en Martinique. Peut-être parce qu'on vit au milieu des koufars et que nos familles, nos proches, on aimerait qu'ils viennent, qu'ils rentrent en islam et qu'ils se convertissent à l'islam. Mais que certains meurent non musulmans, donc peut-être qu'on espère. Non, Les textes montrent, ils ne sortiront pas du feu. Il continue, Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Il continue, l'imam Ahmed, rahimahullahu ta'ala. Et il nous dit, donc par la suite, un peu après, il nous dit, ومن انتقص احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم او ابغضه بحدث كان منه او كان او ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. Celui qui cherche à rabaisser un des compagnons du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم ou qui le déteste à cause de quelque chose qu'il a fait, ou alors qui va citer certains de ses mauvais agissements, celui qui fait cela est un innovateur, jusqu'à ce qu'il invoque, en demandant la miséricorde pour tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans exception, et jusqu'à ce que son cœur soit saint, soit préservé, donc, de cela, du fait de détester les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Oh, chers frères, comme on l'a déjà vu plusieurs fois, Allah, tabaraka wa ta'ala, il a fait les éloges de ses compagnons. Il a fait les éloges des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Celui donc, qui aujourd'hui, va critiquer un des compagnons, ou les compagnons, il aura donc contredit Allah, tabaraka wa ta'ala, il contredit son Seigneur. Ne penses-tu pas que ton Seigneur savait ce qui allait arriver entre les compagnons après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Il le savait pertinemment. Et malgré cela, il a fait leurs éloges. Et donc, il est important de comprendre, nos chers frères, parmi la croyance de Ahlus Sunnati wal Jama'a, le fait qu'ils se taisent. Ils se taisent et ne citent pas les conflits qu'il y a eu entre les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et certes, Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit dans son livre, surat At-Tawbah, il dit, « لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. » Certes, Allah a pardonné aux prophètes ainsi qu'aux muhajirun et les ansar, les compagnons. Allah tabaraka wa ta'ala, il leur a pardonné. Et donc toi, qui es-tu? Qui es-tu pour venir les critiquer, ou les blâmer, ou les rabaisser, ou les dénigrer? Vas-tu t'opposer à la parole de ton Seigneur, tabaraka wa ta'ala? Et donc il est important, jazakumullahu khairan, de reconnaître la croyance des gens de la sunna. En cela, nous on va arrêter pour aujourd'hui, inshallah ta'ala, et on continue la semaine prochaine avec le sujet de l'hypocrisie. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardahu wa sallallahu وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا.